Et c'est fini, oh oh oh, ça me rend fou. J'écris à ton amour et je perturbe. J'suis dans le noir, j'ai du mal à croire. Au gré de l'ennui, et je te crie, oh oh oh, que ferais-tu pour sauver notre amour? Où es-tu jusqu'au bout? Diamant, tout changé, je le trouverai. Waouh! Il ne faut plus t'en douter, il faut t'essayer. Hey! Vouloir c'est noir, mais reste trop tard. Pour moi du gris, j'en veux plus dans ma vie. Oh non, ça me rend fou de perdre ton amour. Oui, je te l'avoue. Maintenant, pour me sauver, moi tout je suis prêt. Waouh! À l'instant de la vérité, pourquoi en douter? Vouloir c'est noir, me reste l'espoir. Vouloir c'est gris, oui je ne veux plus t'ennuyer. Oh non, ça vaut le coup de sauver notre amour. Oui, rien que pour nous. Sauver notre amour. Oui, rien que pour nous. Hey! Marche et noir. Me reste l'espoir. Oui, marche et noir. Me reste l'espoir. Hey! Marche et noir. Nous reste l'espoir. C'est noir. Nous reste l'espoir.